Chapitre 9. Lettre d'Athènes. Le jour même où j'allais livrer à l'impression le récit de M. Hermann Schultz, mon honorable correspondant d'Athènes me renvoya le manuscrit avec la lettre suivante. « Monsieur, l'histoire du roi des montagnes est l'invention d'un ennemi de la vérité et de la gendarmerie. Aucun des personnages qui y sont cités n'a mis le pied sur le sol de la Grèce. La police n'a point visé de passeport au nom de Madame Simon. Le commandant du Pirée n'a jamais entendu parler de la Fancy, ni de M. Jonaris. Les frères Philippe ne se souviennent pas d'avoir employé M. William Lobster. Aucun agent diplomatique n'a connu dans ses bureaux un Maltais du nom de Giacomo Fondi. La Banque nationale de Grèce a bien des choses à se reprocher, mais elle n'a jamais eu en dépôt les fonds provenant du brigandage. Si elle les avait reçus, elle se serait fait un devoir de les confisquer à son profit. Je tiens à votre disposition la liste de nos officiers de gendarmerie. Vous n'y trouverez aucune trace de M. Périclès. Je ne connais que deux hommes de ce nom. L'un est cabaretier dans la ville d'Athènes, l'autre vend des épices à Tripolitsa. Quant au fameux Hadji Stravos, dont j'entends aujourd'hui le nom pour la première fois, c'est un être fabuleux qu'il faut reléguer dans la mythologie. Je confesse en toute sincérité qu'il y eut autrefois quelques brigands dans le royaume. Les principaux ont été détruits par Hercule et par Thésée, qui peuvent être considérés comme les fondateurs de la gendarmerie grecque. Ceux qui ont échappé aux bras de ces deux héros sont tombés sous les coups de notre invincible armée. L'auteur du roman que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer a prouvé autant d'ignorance que de mauvaise foi, en affectant de considérer le brigandage comme un fait contemporain. Je donnerais beaucoup pour que son récit fût imprimé, soit en France, soit en Angleterre, avec le nom et le portrait de M. Schultz. Le monde saurait enfin par quels grossiers artifices on essaye de nous rendre suspects à toutes les nations civilisées. Quant à vous, monsieur, qui nous avez toujours rendu justice, agréez l'assurance de tous les bons sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être. Votre très reconnaissant serviteur, Patriotis Psephtis, auteur d'un volume de Tithyrambe sur la régénération de la Grèce, rédacteur du journal L'Espérance, membre de la Société archéologique d'Athènes, membre correspondant de l'Académie des îles Ioniennes, actionnaire de la Compagnie nationale de Spartiate Plavlos. Chapitre 10. Où l'auteur reprend la parole. Athénien, mon bel ami, les histoires les plus vraies ne sont pas celles qui sont arrivées.